Sur cette route express ou cette autoroute, peu importe, je roule à proximité d'une voie de décélération. Que je roule à 110 ou à 90 km/h, il m'est impossible de prendre cette sortie qui m'a été annoncée par plusieurs panneaux avant d'arriver à sa hauteur. Le temps que je change de cap, je franchirai la ligne continue devant moi. De plus, je ne sais pas si quelqu'un prend cette sortie. Du moins, rien n'est visible dans mon rétroviseur intérieur. Je dois attendre la prochaine sortie qui me permettra de faire demi-tour ou d'emprunter un autre itinéraire. Réponse B et D.